Magic Elvis, série signée Philippe Robin de la radio-télévision suisse. Ce matin, une formule très simple, Elvis, toujours numéro 1, 40 ans après. Elvis Presley n'est pas mort. Enfin, physiquement, si, certainement, mais dans l'esprit des fans, il vit encore. Et à Graceland, en 2007, plus de 400 personnes travaillent toujours grâce à lui. Ses disques se vendent très bien, à tel point que l'on essaye encore et toujours de dénicher des enregistrements inédits du King. Mais où pourrait-on les trouver ? Les bandes ont-elles disparu ? Jean-Marc Juillon, qui s'occupe du mastering de certains des disques récents d'Elvis, a sa petite idée là-dessus. Effectivement, c'est une question qui concerne au plus haut point la maison qui a les droits sur la voix d'Elvis, c'est-à-dire Sony BMG. Il y a eu pendant des années, malheureusement, des fuites dans les dépôts d'archives. Et puis, il y a des collectionneurs avec ces bandes qui ont disparu des dépôts d'archives. Il y a des gens qui les ont achetées très cher et qui sont très fier d'avoir quelque chose qui n'existe qu'à un seul exemplaire. Et il y en a qui collaborent avec BMG et qui leur disent « faites une copie, mais je tiens à avoir l'original ». Il y en a d'autres qui sont prêts à les revendre. Et il y en a beaucoup qui ne disent pas ce qu'ils ont. On arrive à maintenant avoir une très bonne vue de tout ce qui existe dans les dépôts d'archives, ce qui n'était pas le cas à la fin du siècle précédent, où une bonne partie de ce matériau n'était pas répertorié. Par contre, tout ce qui est dans les collections privées, je ne suis pas très optimiste. Et si on ne retrouve pas de nouvelles bandes du King, c'est pas grave. D'autres s'occupent de faire des chansons sur lui, comme ce disque sorti récemment au Japon. I love all his music. And later on I saw all his movies. I think he's a pretty good looking guy. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. En 2004 pourtant, Elvis Presley se retrouve en tête des hit-parades de nombreux pays grâce à une vieille chanson remaniée par un habile ingénieur du son. Là, effectivement, il y a parfois une surprise. C'est qu'une chanson qui, en l'occurrence, avait été enregistrée pour un film et réenregistrée pour le show TV de 1968. On n'avait jamais retrouvé le master de cette chanson et on a trouvé un acétate. C'était une maquette et ils ont décidé d'utiliser cette version qui était un petit peu plus rugueuse, un petit peu plus rock que la version originale du film. Et ensuite, il y a eu une grande chance, c'est que cette chanson a été utilisée pour une publicité pour une grande marque de chaussures de sport. Et en plus, il a été repris dans le film Ocean Eleven. Puis finalement, ça a fait un tube, effectivement, un numéro 1 dans 30 pays à peu près. Et cette chanson que vous avez sans doute encore en tête s'appelle A Little Less Conversation. Magic Elvis, série signée Philippe Robin. Elvis disparu il y a 40 ans, mais il nous reste les albums, on peut les écouter à longueur de journée, on ne s'en lasse pas.